petit coup de flemme. Voilà. Je sais pas combien de temps ça a duré. Voilà, c'est bon. Non, en fait, non, c'était pas bon. Et voilà. C'est bon, c'est passé. J'en ai marre de devoir me lever le matin pour aller dans ma douche et prendre mon bain. Aller dans la cuisine pour le petit déjeuner, soulever une cuillère et puis mâcher. Arrêtez de nous faire chier, on est des fainéants. Allez vous faire enculer, on n'est pas vos servants. On en a marre de faire ce que vous nous dites tout le temps. On aimerait bien. Quand on va à l'école, on se dit à 18 ans, on travaillera largement moins. Mais quand on a notre premier travail, on se dit que l'idée est déjà loin. Arrêtez de nous faire chier, on est des fainéants. Allez vous faire enculer, on n'est pas vos servants. On en a marre de faire ce que vous nous dites tout le temps. On aimerait bien dormir une fois de temps en temps. Idée, fée, niasse, méchante merde. Me faire hypnotiser par là, mais par les médias sur ma télé.